إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الحياة الطيبة لا تحصل للعبد بعد توفيق الله إلا بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة عباد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من الهم والحزن وما ذاك إلا لعظم خطرهما على العبد في أمور دينه ودنياه وليس المقصود بالهم هم الآخرة وهم الدين والدعوة ونصرة الإسلام فإن هذا الهم من علامة حياة القلب وعلو الهمة وقوة الإيمان ليس المقصود أيضا الهم اليسير الذي يعتري الإنسان أحيانا ثم يزول فإن هذا الهم لا يسلم منه أحد بل هو من مكفرات الذنوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه وإنما المقصود الهم والحزن اللذان يلازمان العبد بسبب ضعف الإيمان وكثرة الذنوب والإقبال على الدنيا وانشغال القلب بما يضر لما فيهما من الأثر البالغ على العبد وانشغال القلب عن تحصيل ما ينفعه وتفرق أمره وعدم إقباله على الله وكثرة قلقه وتفكيره وحرمان صاحبه من تحصيل العلم النافع وقد يحصل بسببهما يعني بسبب الهم والغم ضرر على البدن والصحة فكثيرا ما نسمع بأمراض مستعصية بدنية ونفسية يصعب علاجها بسبب ذلك ومن أثارهما السيئة التأثير على تصرفات الشخص وسلوكياته وتعامله مع الآخرين بما في ذلك زوجته وأولاده فقد يتخذ قرارات مجانبة للصواب بسبب ذلك وقد تسوء علاقته مع زوجته بسبب ذلك وقد يجور في تصرفه وتعامله مع أولاده بسبب ذلك فينبغي للمؤمن أن يحذر من ذلك وأن يبذل أسباب السلامة وتزكية النفس وبذل أسباب السعادة وانشراح الصدر وراحة البال والبعد عن كل ما يكدر صفو عيشه وللهم والحزن أسباب أولها الذنوب والمعاصي وللمعاصية ظلمة في القلب تجعل صاحبها في هم وغم ووحشة بينه وبين ربه تجعل له لا يتلذذ بطاعة الله ولا يأنس بذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت أو نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفره سقل قلبه فإن عادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله يعني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الثاني السبب الثاني للهم والغم التعلق بالدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدينار والدرهم بالتعاسة، قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والسبب الثالث الأوهام، فإنها من الأمراض النفسية وهي ما يقع في القلب من الخواطر وتدخيم الوقائع إلى عدة أضعاف غير حقيقية، سواء كانت الوقائع متعلقة بنفس الشخص أو بحكمه على الآخرين. فكم من شخص أصابه عارض يسير في صحته فصار بسبب الوهم مرضا مستعصيا، وكم من شخص ألسق بإخوانه التهم وهم أبرياء منها بسبب الأوهام، وكم من شخص وقع في الوسواس في صلاته وطهارته بل وعقيدته بسبب الأوهام. والسبب الرابع كثرة الجدال في أمور التي لا تفيد والتي لا يجني منها المتحاورون إلا ضياع الوقت وإيغار الصدور. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني ترك الجدال وإن كان محقا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الضلال، يعني أنه من علامات الضلال بقوله: ما ضل قوم بعد هدى أوتوه إلا أوتوا الجدل. وما لم يكن الجدال مشتملا على النصح والتوجيه وبيان الحق إذا كان بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فحينئذ لا مشكلة فيه، أما بغير ذلك بالظلم والطغيان فهذا لا، يعني هذا يكون فيه سبب للطغيان والخروج عن العدل وخروج عن الصواب. السبب الخامس الحسد، فإن الحسود مريض يعذب، يعني معذب ويعذب نفسه بانشغاله بعباد الله وحزنه على النعم التي يراها تنزل على إخوانه وتمني زوالها عنهم. فإن الحسود عدو النعمة ومعترض على تقدير الله في ذلك، كأنه يلوم ربه على ذلك: كيف تنعم على فلان وأنا أولى منه؟ نعوذ بالله من الحسد. والسبب السادس عدم القناعة، فإن عدم القناعة سبب للتنافس في الدنيا وانشغال القلب بها، وسبب للانشغال القلب بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. كثير من الناس قد حملوا أنفسهم ما لا يطيقون وأثقلوا كواهلهم بالديون والإلزامات بسبب النظر إلى من هم فوقهم في المسكن والمركب والملبس ولو أنهم قنعوا بما آتاهم الله وعاشوا على قدر كفايتهم وطاقتهم لكان خيرا لهم ولا يعد ذلك عيبا بل هو عين ما أمر الله به فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاع زائل لا يدوم وأن الإيمان والعمل الصالح سبب للحياة الطيبة وراحة البال وانشراح الصدر والسعادة في الدنيا والآخرة ومن ذلك الاستعاذة مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال وثبت في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبد قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانا وفرحا وفرجا وطبعا لا بد مع الدعاء أن نلازم السعي والاجتهاد للحصول على المطلوب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Le sujet de la khutba aujourd'hui, c'est un résumé de ce qu'on a parlé lors du séminaire de la semaine, du week-end passé à la mosquée Farouk. On a fait un séminaire de 3 jours sur le livre de Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, rahimahullah, le livre qui s'intitule Al-Wasa'il Al-Mufida Lil-Hayat Al-Sa'ida, c'est-à-dire les moyens bénéfiques pour une vie heureuse. Et dans ce livre, le cheikh, il a mentionné des causes et des moyens par lesquels on peut obtenir une vie heureuse et comment on peut se libérer des problèmes, des troubles, de l'angoisse, des soucis, des inquiétudes, des tracas, du chagrin, de l'oppression et de la mélancolie qu'on peut ressentir dans notre cœur à cause des péchés, à cause de l'éloignement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de beaucoup d'autres causes également. Et donc, qu'est-ce que j'ai expliqué dans la khutba en arabe? C'est les grandes lignes de ce dont on a parlé. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, souvent il cherchait refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre tout ce qu'on appelle en arabe al-ham wal-gham. Hein? Et al-ham, c'est les soucis, les tracas, les inquiétudes. Et al-gham, hein, c'est le chagrin et la mélancolie et l'oppression qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique dans le Coran que parmi les plus grandes causes pour obtenir une vie heureuse, c'est bien entendu de posséder la foi. et de la mettre en pratique et de faire les bonnes œuvres qui viennent avec. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela dans un verset dans Surat An-Nahl: Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Et quiconque, qu'il soit homme ou femme, fait des bonnes œuvres alors qu'il est croyant, alors nous lui ferons vivre une bonne vie. Et donc il n'y a pas de doute que sans la bonne vie, sans la foi, pardon, on ne peut pas avoir une vie qui est bonne. Et que c'est la seule manière par laquelle quelqu'un peut être protégé et libéré de toutes les causes des tracas, de l'angoisse et des soucis de la dunya. Et on ne parle pas, bien entendu, des soucis ou des inquiétudes par rapport à l'au-delà, ou par rapport à la religion et la da'wah, ou par rapport au fait de donner la victoire à l'islam et de défendre la vérité. Puisque ces inquiétudes ou bien ces préoccupations sont parmi les choses qui sont louables et qui font partie des choses qui montrent que quelqu'un a de la vie et de la foi dans son cœur, parce qu'il est inquiet et soucieux de voir la religion d'Allah élevée et de voir sa parole secourue et défendue. Et on ne parle pas non plus des soucis et des inquiétudes mineures qui peuvent arriver à chacun d'entre nous dans sa vie de tous les jours, parce que ces choses-là arrivent à tout le monde et elles partent aussi vite qu'elles sont venues. Et ces choses-là, en réalité, sont parfois même des façons par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va expier certains de nos fautes et de nos péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique, il dit qu'il n'y a pas un malheur ou une fatigue ou un souci ou une tristesse ou une nuisance quelconque ou un chagrin qui touche à un musulman, même une épingle ou une aiguille qui te pique, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala pour cela va t'effacer et expier de tes péchés et de tes fautes. Donc tout ce qui atteint le croyant, que ce soit petit ou grand, que ce soit grave ou que ce soit moins grave, s'il est affecté par quoi que ce soit, même si ce n'est pas des douleurs ou des fatigues ou des problèmes physiques, ça peut être aussi même psychologique, eh bien, il est pas à cause de cette épreuve ou de ce malheur qui le touche, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface de ses péchés. C'est une expiation pour lui. Donc on parle en réalité de ces soucis et de ces tracas et de ces préoccupations et de cette angoisse qui reste présente chez la personne et qui est causée par la faiblesse de la foi, par la grande quantité de péchés et par le fait de se préoccuper uniquement de la dunya et ou bien de se préoccuper dans notre cœur de choses qui sont nuisibles pour nous. Et donc ces choses-là peuvent avoir un effet néfaste sur le cœur de la personne et même un effet néfaste par la suite sur son corps, parce qu'il y a une relation entre l'âme et le corps. Et parfois, à force d'être affecté psychologiquement et d'être affecté spirituellement, eh bien ça peut avoir aussi des impacts sur le physique et sur le corps. Et ça peut causer justement des maladies graves par la suite et de la dépression. Et toutes ces choses-là découlent à la base d'un problème qui est relié à la foi et qui est relié à l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vit à une époque où malheureusement beaucoup de gens souffrent de ce genre de malaise, souffrent de ce genre de troubles spirituels, des troubles psychologiques, et beaucoup de gens sont de plus en plus affectés par ce genre de maladies et ce genre de maux, de problèmes et de troubles intérieurs. Et on les retrouve souvent dans les hôpitaux et dans des instituts pour des maladies psychiatriques ou bien psychologiques. Et beaucoup de gens se plaignent de troubles. Ils disent: j'ai été affecté par un sihr, j'ai été affecté par de la sorcellerie, j'ai été affecté par un mauvais œil, l'ayn, ou bien toutes sortes d'autres problèmes de ce genre. Et c'est devenu à notre époque même parfois un fléau parce que les gens parfois exagèrent ces choses-là. Et ça devient parfois même des choses illusoires. Les gens imaginent des choses ou aggravent les choses qu'ils ont. Si quelqu'un il a un symptôme ou un trouble qu'il a dans sa santé ou dans sa vie, ou même un problème dans la concentration, il va sur Internet, il cherche les symptômes, et puis il voit les noms des différentes maladies, il s'imagine qu'il a quelque chose de grave. Au lieu d'aller consulter un médecin pour vérifier exactement si effectivement il n'y a pas une autre cause, ou si ce n'est pas quelque chose de plus simple et d'insignifiant peut-être, ou quelque chose qui peut être guéri en se faisant la ruqya à soi-même, ou en lisant le Coran, ou en s'écartant des péchés et en délaissant la désobéissance, et essayer de se guérir lui-même par les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunna, dans un grand nombre d'invocations et de du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné justement pour être libéré et guéri de ce genre de symptômes et de ce genre de problèmes. Donc, tout ça, ça peut avoir des impacts et des effets sur le comportement de la personne et dans sa façon d'interagir avec les autres et même avec son épouse, avec ses enfants. Et ça peut l'amener à prendre parfois des décisions qui sont mauvaises. Et parmi les causes de ça, comme on a mentionné, les péchés et la désobéissance. Et lorsque le serviteur commet des péchés et qu'il demande pardon à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala purifie son cœur. Mais lorsqu'il persiste à le faire et qu'il s'enfonce dans la désobéissance, son cœur devient couvert de points noirs jusqu'à ce qu'il soit complètement couvert de noirceur et à ce moment-là, il devient voilé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, Ar-ran ala al-qalb, à cause de la noirceur qui a complètement absorbé son cœur et qui par la suite n'arrive plus à distinguer entre le bien et le mal et qu'est-ce qui est bon et mauvais. Une autre cause aussi, c'est de s'accrocher à la dunya et d'oublier l'au-delà. Une autre cause également, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est les illusions. De s'imaginer des choses et d'aggraver les symptômes qu'on a et d'en faire quelque chose de plus grave alors qu'en réalité c'est pas le cas. Également parmi les causes de rentrer dans des débats et des argumentations inutiles et futiles, et également parmi les causes de cela la jalousie, le fait d'envier les autres et de se préoccuper des autres et de ce que les autres possèdent et de les envier et de souhaiter qu'ils n'auraient pas les grâces que Allah leur a données. Donc la personne qui est jalouse en réalité, c'est comme si elle s'objectait à ce que Allah a prédestiné pour les autres et c'est comme si elle disait « Oh Allah, pourquoi as-tu donné ta grâce à un tel alors que moi je suis plus méritant de cette grâce que lui, wal'iyadu billah, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait mieux que quiconque à qui il doit donner de ses grâces. Aussi, une autre chose importante, c'est le fait de ne pas être satisfait de ce que Allah nous a donné et de vouloir vivre au-dessus de nos moyens et vivre au-dessus de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et de se préoccuper à vouloir compétitionner avec les autres dans les affaires de la dunya. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans les affaires de la dunya, on doit regarder ceux qui sont en dessous de nous et moins favorisés que nous. Et ne pas regarder ceux qui sont au-dessus de nous ou qui ont reçu plus que nous. Et lorsque quelqu'un applique cette sagesse, eh bien, il va devenir plus reconnaissant envers les grâces que Allah lui a données et il ne va pas les mépriser. Tandis que s'il regarde ceux qui sont au-dessus de lui, eh bien, il n'appréciera pas toutes les grâces que Allah lui a faites. Donc ça, ça fait partie des choses importantes, et surtout à notre époque, parce que les gens sont prêts à s'endetter pour vivre un train de vie qui est au-dessus de leurs moyens, et parfois même de rentrer dans les intérêts et dans le riba, hein, pour emprunter dans le but d'acheter des maisons, des voitures, d'acheter des vêtements qu'ils ne peuvent pas se permettre en temps normal, sans rentrer dans ce genre de problème et dans ce genre de péché. Et le résultat de ça, c'est l'angoisse, les soucis, les tracas, les préoccupations, les inquiétudes qui viennent justement de ça, parce que les gens se préoccupent à savoir par la suite comment je vais faire pour payer tout ça, hein? Et peut-être qu'il va mourir et que ses dettes ne seront même pas encore réglées. Donc pourquoi te mettre dans cette situation alors qu'à la base tu es épargné de tous ces soucis et de tous ces tracas si tu te limites à l'ordre d'Allah et à son jugement? Alors fais preuve de crainte et préserve-toi d'Allah et agis pour ton au-delà, et sache que cette vie d'ici-bas n'est qu'un passage, une jouissance éphémère, et qu'elle ne sera pas éternelle cette vie, et qu'elle a une fin qui est proche. Et concentre-toi sur la foi et les bonnes œuvres qui sont la cause de la bonne vie dans cette vie d'ici-bas, d'avoir le repos et la paix de l'âme, une poitrine qui est ouverte, hein, et une vie heureuse dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et de chercher refuge en Allah contre les soucis et les tracas et les inquiétudes et les angoisses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans les du'as. Il a dit, si quelqu'un d'entre vous est touché par ses soucis et ses tracas, qu'il dise, ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, mon toupet est entre ta main, ton jugement, hein, est exécuté sur moi, et ta justice est dans ton jugement. Je te demande par tous les noms que tu possèdes, par lesquels tu t'es nommé toi-même, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé auprès de toi dans la connaissance de l'invisible que tu as, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur et la lumière de ma vue, et qui fait en sorte que cela retire ma tristesse, mes soucis et mes inquiétudes et mes chagrins. Et si quelqu'un il fait ce dua, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui enlever tous ses tracas et ses soucis et ses inquiétudes, et va les changer par une délivrance de sa part. Mais bien entendu, pour obtenir cette délivrance, il faut non pas seulement faire le dua et rester assis sur sa place, mais plutôt faire les efforts et travailler et agir pour obtenir ce qu'on veut obtenir par la suite. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et je vais terminer la khutbah avec ça, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire, quiconque se préserve d'Allah, Allah lui donnera une issue, et il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'en attend même pas. Et quiconque met sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. حيّ الصلاة حيّ الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله استووا اعتدلوا استووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسمية الصلاة